Gloop sur Mikeface Radio et Dogmazic Radio. Gloop, c'est à toi dans un. On va faire à l'envers. Allez, 5. Voilà, en ouvrant le micro, ça devrait aller un petit peu mieux. Donc ici, effectivement, c'est Gloop, mais évidemment, vous l'avez compris, à l'instant, c'était une rediffusion de Mikeface Radio. Donc, donc l'émission directe live From the Hellzars du 3 janvier 2009. Il est 19h33 heure française, 18h33 en temps universel. Et ben voilà, ben, j'ai tout un programme, hein. J'ai prévu 26 chansons, mais je ne ferai pas passer les 26, hein. Le reste ce sera pour la fin. Donc une émission qui est publiée sous licence Creative Commons by NCND 2.0. Mais cette licence ne s'applique pas par contre forcément aux musiques qui conservent leur licence d'origine. Donc vous avez le droit de redistribuer cette émission par n'importe quel moyen, y compris par le peer-to-peer, etc. Aucune limitation dessus, sauf que vous ne pouvez pas la modifier et vous ne pouvez pas le faire pour de l'argent. Et ce que vous entendez derrière, donc le direct live from the Hellzars, là pendant que je parle, eh bien c'est mon remix en fait. Il y a 15 jours, on avait eu en générique des grelots, et là en habillage d'antenne, ben déjà un premier remix. L'aspirateur traîneau du père Fouettard, donc ça c'est le remix que j'ai fait par mes propres soins, donc qui est sous licence art libre et que vous allez pouvoir écouter en entier quoi, d'ici quelques secondes, parce que bon là je suis effectivement en train de parler par dessus, mais vous l'aurez au niveau sonore normal tout de suite, hein, tout simplement. Il suffit de continuer à écouter et ça va redémarrer avec un niveau sonore normal et sans parler par-dessus et en entier. L'aspirateur traîneau du père Fouettard, donc qui est un remix des zèbres du père Zoël. Donc c'est la nouvelle rubrique là de cette émission du direct live from the Hellzars, rubrique qui s'intitule triturer, mélanger, servir. Cette rubrique, ça consiste en fait à prendre donc on avait pris comme point de départ donc les grelots qu'on entendait il y a 15 jours et il s'agit tout simplement de recycler en fait les à l'infini pour remixer et puis encore une fois remixer le remix, etc. en ajoutant chaque fois un petit ingrédient. Alors évidemment rien qui soit géré par la SACEM parce que les conditions de diffusion diffusion de l'émission et les conditions de diffusion des œuvres de la SACEM sont totalement incompatibles entre elles. Mais par contre, tout le reste, enfin tout ce qui est, en fait tout ce qui est autorisé, quoi, vous pouvez l'utiliser. Donc ça se passe sous licence art libre et vous me faites parvenir donc vos œuvres, vos résultats. Et donc sinon, donc il y a deux choses. Hein. C'est d'une part donc il s'agit de sampler massivement ce qui fait partie de cette rubrique. Et d'autre part, ben, essayez quand même de vous tenir à 2 minutes, vu que justement ça sert aussi un peu à introduire l'émission. Et puis l'émission ne sera pas consacrée qu'à ces remixes. Il y aura autre chose. Alors évidemment, ce n'est plus une émission spéciale Noël aujourd'hui. Ce n'était pas prévu du tout. Mais ça a été annoncé par erreur ou par absence de démontage, ou je ne sais pas comment dire, hein. Il aurait fallu remixer l'émission d'auparavant pour enlever ça. Il nous avait promis des chants de Noël, donc finalement je vais vous en faire passer un là que j'ai préparé là à toute vitesse, que je retrouve ça. Ça y est, je suis déjà en train de mélanger toutes mes fenêtres ouvertes. Alors, douce nuit, sainte nuit, déjà. Alors, déjà, la version gloop, attendez que je cherche ma basse. Et là, en plus, je suis tout mélangé avec les câbles du casque. Et celui de la basse, il y a un petit blanc parce que c'est à côté. Donc, douce nuit, sainte nuit. Je vais essayer de vous le chanter en allemand, sachant que je ne parle absolument pas l'allemand. Donc, bonjour le massacre. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft. Alles schläft, einsam wacht, nur. Bon, bah, j'arrête le massacre, hein. C'est pas la peine. D'une basse dont je ne sais absolument pas jouer, de l'allemand que je ne sais absolument pas prononcer, c'est pas la peine. Donc, plutôt vous faire écouter une version qui date de 1906. Donc, ça, on peut fermer. J'ai plus besoin des paroles. Donc Stille Nacht, donc je vous donne quand même un petit peu le contexte historique, hein, on va essayer de dire des choses sérieuses, ça arrive dans cette émission. Donc Douce Nuit, Sainte Nuit ou Stille Nacht, Heilige Nacht est un chant de Noël. Il a été chanté pour la première fois le 24 décembre 1818. Ah, oula, ça nous rajeunit pas ça, ça fait 190 ans, dans l'église Saint-Nicolas d'Oberndorf en Autriche. Ce chant, donc, ah non, il a été écrit pas en 1818, mais en 1816 par Joseph Mohr, non, c'est un Allemand, donc il prononçait Josef Mohr, qui était alors prêtre dans les Alpes autrichiennes. Et donc la musique a été composée, elle, en 1818, oui, par l'organiste Franz Gruber. Et donc. Alors, la composition du chant, les raisons de la composition du chant ne sont pas certaines, disent-ils sur Wikipédia. Une hypothèse est que l'orgue vieillissant de l'église n'était plus en état et ils ont alors créé un chant destiné à être accompagné à la guitare. Oui, j'ai effectivement, bon, on a vu que quand c'est pas moi, quand c'est moi qui le fais, c'est pas une réussite. Il existe plus d'une centaine de traductions de Stille Nacht, Heilige Nacht. En plus de la version française, on peut citer le Silent Night, Holy Night anglais. Et donc la version de 1906, donc les informations dessus, donc on ferme la page Wikipédia. par l'Electra Symphony Orchestra sur le disque Electra Gold Goose Waltz Nummer 600 Zylinder Record. Voilà, c'est rien que ça. Hein. J'ai quand même réussi à le dire, mais je ne sais pas si j'ai réussi à le faire comprendre. Mais par contre, je vais réussir à vous le faire entendre. Et voilà, ça gratouille bien, et oui, c'est normal, c'est enregistré sur de la cire en 1906. À l'époque, on faisait déjà des disques, ça existe depuis 1904, les disques en bakélite qui sont un peu plus durs, mais ça ne s'est pas généralisé immédiatement, quoique bon, le format de rangement plus pratique a fait que vers 1910, c'est devenu la règle. Et bon, les cylindres, bon, bah, ça servait plus que pour les studios, pour la qualité d'enregistrement, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de micro et le cylindre donnait une meilleure qualité de son. Ils arrivaient même donc à les... Après, ben, ils arrivaient quand même à faire des duplications du cylindre vers le disque en choisissant donc les meilleures versions. Ça se dupliquait un petit peu comme on faisait aussi les copies de clés quand il y avait encore des... Enfin, quand c'est encore des clés anciens modèles, quoi, les clés plates en tout cas. Et voilà, et je tousse, oui. Ça arrive aussi, ça. Hein. Donc, Stillenart, Heiligenart, ça c'est du Noël. Il faudra que je le tague tout à l'heure. Bon, je l'ai mis en réserve. Hein, mais actuellement, nous ne sommes plus dans Noël. Nous sommes en train de prévoir l'Épiphanie, avec la date. Il y a la date du marchand de soda, c'est le dimanche 4, mais la date de l'église, puisque c'est quand même une fête religieuse, normalement c'est le 6. Pour moi, l'épiphanie, ce sera le 6. Et donc à l'instant, on ne pouvait même pas dire, vu que ça venait d'un cylindre, on ne pouvait même pas dire que j'ai fait passer une galette. Là, ce n'est pas non plus une galette, mais je vous assure que c'est pas de la tarte d'écrire de la musique classique comme ça. Stéphane Roger, qui nous a sorti juste à maintenant, ben pour l'épiphanie, justement, ça tombe bien, ça s'appelle Avènement. Donc l'avènement de qui ? L'avènement de Jésus, l'avènement des rois mages, peu importe. En tout cas, ça reste tout à fait encore de circonstance pour l'épiphanie. sous licence Creative Commons by NCND 2.0. Oui, il nous a mis ça en ligne quand, le 27 décembre. Oui, il nous a mis ça juste après Noël, en fait, hein, entre Noël et Nouvel An. Mais bon, pareil, ça s'écoute bien et même très très bien. Et à l'instant, c'était donc pour l'épiphanie. Voilà, faut pas que je copie sur un lien parce que sinon ça va m'ouvrir une fenêtre sans que je le veuille. Je suis toujours perdu dans tous mes trucs ouverts en même temps. Bon, ça, celui-là, on peut l'enlever, c'est fait. Hop, supprimer. Et là, on peut enlever, c'est fait. comme ça je ne vous passerai pas deux fois le même morceau. Là, la suite, on fait dans le punk, tout de suite on change complètement de style. Après les douceurs à l'oreille, il fallait bien que je fasse quelque chose. J'allais pas laisser ça comme ça. Donc deux morceaux de punk là qui vont passer. Donc déjà le premier, il y a personne sur le chat. Il y a Anthony sur le chat. Bonjour Anthony. Tout à l'heure, il y avait aussi Decay et Homer qui sont passés pendant l'émission de Fickleshap qui était relayée ici en pensant avoir un direct en fait, et finalement non, c'était une rediffusion. Donc je reviens quand même à mes moutons, donc Anthony qui me salue lui aussi. Donc je reviens plutôt à mes moutons ou mes boutons plutôt, puisque avec tout ce que je... Ah tiens, Anthony qui devient le visiteur 91, soit qui a un matricule là tout à coup. C'est pas grave, hein. L'immatriculation, hein, c'est pas ce qui se fait de pire. Hein. On a un numéro, c'est toujours mieux que de... Enfin bon, j'aurais préféré qu'il soit mélomane que visiteur quand même, parce que bon, visiteur, on croit qu'il est venu là, il y a eu de la lumière, alors que c'est sûrement pas pour ça qu'il est là. Où est-ce que j'en étais? Mon punk lobotomisé par Captain Big, qui a un site internet. Je vais regarder dessus si je trouve quelque chose. Sur son site d'ailleurs, il y a déjà un truc, un lien vers J'avanzouille, il y a un lien vers Mon Pauvre Lieu, il y a un lien vers Dogmazic Contact, et puis surtout, il parle d'un nouvel album qui s'appelle Sexe, Drogue et Comestérol. Je crois que c'est précisément de cet album-là, donc Comestérol avec un M et non pas un L. Peut-être Chomestérol. Ah, c'est peut-être, ça se prononce peut-être à cause de chômage, Chomestérol. Le morceau, je crois bien que ça vient de cet album-là. Absolument, oui. Ça date de quand ? Ça date quand même de septembre. Hein. C'est un truc qu'il a fait, ça, autoproduit. Si les punk, c'est le Do It Yourself, hein, sous licence Creative Commons by NCSA 2.0. La licence, oui, parce que ça vous explique. La licence, c'est important pour savoir ce qu'on a le droit de faire, puisqu'ils autorisent à faire certaines choses. Donc tout de suite, nous n'attendons plus pour envoyer ça, lobotomisé par Captain Big. Dans l'espace, on sent du grand plaisir. d'endroits qu'on va y explorer qu'il ne sait pas nourrir. Car même avec toutes ces années, il n'a pas vraiment quand tout rangé. C'est sûr, en pour ça, je fais ce qui me plaît. Ce qui me plaît, dans mes cas très carrés, en essayant de l'autoriser.